Un goût, ça n'a pas une couleur. Mais moi, je lui ai octroyé une couleur. Ben voyons. Tu vas mêler le peuple. Ben, il y a assez que je viens de descendre. Voici. Même un goût d'orange brûlé. C'est ta tête qui est brûlée. Ben, à force de goûter. Quoi? Attends un peu. Là. Rosanna. Oh là là. On la connaît pas, celle-là. C'est un nouveau personnage. Rosanna. Est-ce que Rosanna est là? Oui, elle est à côté de Ticu Baudouin. Ah, mon Dieu, pas vrai. Vous êtes pas, vous faites pas un beau couple, madame. Restez pas avec lui. C'est un espèce. Oh. Espèce. Oh. Un pas très gentil. Oh. Mais là, Rosanna, orange brûlé, pouvons-nous l'accepter comme vous êtes professionnel de la papille? Ben, moi, j'ai la papille gustative. Oui. J'espère que madame a la pupille gustative, parce que là, j'ai jamais entendu autre chose que gustatif au niveau de la pupille. Ah, mon Dieu. La pupille mousse. La quoi? La pupille mousse. La pupille moule. La pupille mousse. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, à l'heure où on se parle, 29 juin 2012, je ne suis pas à Québec. Je viens d'arriver à Paris. Pour mes rencontres d'errance rénaldienne, des artistes, des gens exceptionnels, extraordinaires qui m'accueilleront dans un petit coin de bar, comme Bukowski. C'est un petit coin de bar. Un bar. Ben, un bar, sur le bar, là, sur le bar de l'autoroute. On va se faire klaxonner. Ah, on va placer une table en plein milieu de cette autoroute. Mais hey, pourquoi tu te places pas sur les Champs-Élysées? Je me baladais sur l'avenue, le disant à l'avenue, avec deux sur la débarque, le bout de qui, le bout de qui, et ce fut toi, je ferai le bout de quoi, je te ferai de te parler pour te dévoiser. On comprend rien. Champs-Élysées. C'est pas ça, c'est aux Champs-Élysées. Hey, la connais-tu la chanson, toi? Aux Champs-Élysées. Oui, oui, oui. Au soleil, sous la vie, à minuit ou à minuit, dites tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. On comprend pas ma voix. Femme ta... Oui, oh, excusez-moi. Femme ta bouche. Aujourd'hui, avenue Brun, c'est mes vignes, mes rails, avant de dire de la main, le soir au matin. Si j'ai t'accroché, me dis, j'ai t'accroché, à t'embrasser, à te cajoler, lorsque je t'ai passé, pris à l'embassin. Cogner ton micro, ça bombarde. Ben oui, mais j'ai pas d'orientation quand je chante. Lorsque je m'exprime artistiquement parlant. Lorsque j'emprunte cette avenue, je me ferme les yeux. Là, je sais pas où est le micro. Là, je chante. Je frappe le micro. Ça n'a pas de. C'est de l'amateurisme. C'est loin du professionnalisme. Ben là, si c'est pas un, c'est l'autre. Est-ce que ça peut être mitoyen? Ben non, ça peut pas être mi-figue, mi-raisin. Ça peut pas être mi-croton, mi-oignon. Ça peut pas être mi-beau et mi-mignon. Mi-mignon? Mi-mignon, je te chercherai jusqu'au bout de la vie. Mi-mignon. Là, c'est mi-mignon de salopard. Oh mon Dieu! Alors, je suis à Paris à l'heure où on se parle, le 29 juin. Oh mon, j'ai passé aux douanes. Mais oh! La troisième fois, la troisième fois, là, rénale, là, aïe, aïe, donc, j'avais un petit problème gastrique, et ça fait du bien, mais le pauvre monsieur en arrière, hey, « Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites, là? » « Mais je déclare, hein? » Je pense qu'ils vont changer leur habit pour... y a d'autres couleurs que blanc, blanc, bleu, blanc, bleu. Blabli, blabla, bla, bla, hey. Ils m'ont amené au commissariat. J'étais en garde à vue. Et ils voyaient plus clair. On veut pas voir. On veut plus le voir, le mec. On veut. J'étais quand même en garde à vue. On veut plus te voir. Hey! C'est qui est le criminel? C'est moi? Ben là, est-ce un crime d'avoir évacué sur la force constabulaire? Même au Québec, on se fait chercher l'aigle noir et on trouve très souvent, comment t'appelles ça? Le sous-marin brun de monsieur mon oncle Serge. Oh, les gens connaissent pas peut-être mon oncle Serge, les gens connaissent pas le sous-marin brun, puis les gens connaissent pas ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai, comment ça que les gens connaissent pas ce qu'ils ne connaissent pas? Faudrait fouiller ça. On va demander au grand physicien, génie tout court. Hein? Y a-t-il des génies, mais pas dans l'herbe? Là, parce qu'il s'imagine qu'à trouver de l'herbe, puis à en enrouler, puis à en consommer, ça les amène vers des... Hey, quand si t'es un épave, un crétin, un imbécile, même si t'en fumes 3-4 rouleaux, mon petit champion, tu vas rester le même. Y a pas des mots qui vont t'arriver de nulle part. Là. Ah oui, à Proust. Ouais, c'est ça. Arrête de manger ta soupe au poivre, je vais arrêter de faire prousse. Mignon, c'est pas mignon. C'est loin d'être fini mignon. Là, j'essayais de le trouver, c'est qui pas mignon? Prousse, mignon. Elle dit, madame, on ne veut pas recommencer sur ce chemin étrange. Hey, c'est la respiration. Ouais, ben c'est... L'avenir est ailleurs, hein, à Paris, parce que c'est... L'avion, je vais vous raconter. Je viens toujours d'arriver, là. C'est en direct de Québec. Pas en direct de Québec, hein. Les gens vont se dire que c'est enregistré. Il n'en est rien. Nous sommes en direct de Paris. La preuve, il est ici, chez vous, à Québec, au Québec, en tout cas, quelque part. En tout cas. Minuit 23, j'ai Gaétan, 24, 22, 23, 24 pas. Non, va-t'en pas me chercher maintenant, je ne suis pas là. Non, va-t'en pas. Et puis, à Paris, il est 6 heures de plus, c'est-à-dire 6 heures va-t'en passe. Et je dors, mais je vais me réveiller dans quelques minutes. La fille qui dort en haut, parce que moi, c'est une auberge de jeunesse, là. La fille, là, va aller faire son petit pipi matinal, mon ami. C'est une Australienne. Hey, je vais lui demander de sauter comme Skippy. Monte sur ton lit, mais s'il vous plaît, ne commets pas trop de vibrations parce que moi, je suis très sensible. Hein. J'ai le haut de cœur fragile. Les gens me serrent la main. J'ai déjà des petites nausées. Oh. Avez-vous osé de... Non, on n'ose pas si tu as la nausée. Oui, c'est vrai. Vous avez... là-dessus, là, on vous enlève rien. On vous retire rien. Vous n'êtes pas grand-chose, mais c'est déjà... Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais là-bas, excusez-moi, à Paris, entouré que d'artistes, de créateurs, de gens intelligents, brillants, plus. Mais ça, c'est pas compliqué de l'être plus que moi. Plus que moi. Moi. Plus que moi. Moi, non, pas elle, là, moi. Elle a gagné. Ah! Alors, on remercie tout le monde. Hey, 23. Non, 20, on est rendu à 27 artistes en 8 jours. 16 jours. Je reviendrai à moitié mort dans un tambour d'argile. Je reviendrai à moitié mort me cramponner après ma vie. Me cramponner après ma vie. Je ne voudrais plus voir Paris avec ses horreurs, ses erreurs, Sarkozy. Et me cacher sous la brunie pour ne plus le voir, lui. Je voudrais retourner dans mon Québec. Ben, c'est beau, hein? On dirait que c'est du Robert Barbebois. Ouais, mais Barbebois, ne lui dites pas que je l'ai chanté. Il risque de m'actionner jusqu'à la fin de mes jours, puis terminer. Mais il va me poursuivre en marchette, comme moi, je le serai un jour. Non, Robert, s'il vous plaît. Je descendais du Québec-Toulouse. Statistiquement, il y avait une chance sur 4 628 que je te rencontre sur cette grande montre qui marque juste minuit moins 12. Reviens. Là, c'est le temps de revenir, monsieur le président. Messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire. Où est le vin? Où est le pain? Où est le poisson? Où sont les cons? Bienvenue à la douce. Il y a beaucoup de cons, il y a beaucoup de poissons, mais il y a très peu de vin. Allons-nous sur au vin? Vin. C'est des blagues que vous faites. Non, tu peux pas comprendre, toi, là. Voyons donc. Hey, garde-moi le petit cube au doigt derrière sa console. Hey, qu'est-ce qu'il dit? On coupe. Non, on coupe par lui. Si je te vois couper, là, on va te couper ton budget, on va te couper de ta position qui est quand même assez extraordinaire d'être mixeur. Pas mixeur, mixeur. À l'émission la plus rock'n'rollesque et déjantée de la francophonie québécoise diffusée dans une radio point final. Même pas communautaire, point final. CKRL est une radio point final. Elle n'est pas autre que radio. Et le public, lui, est un public cultivé, intelligent, brillant. Ben, c'est la même chose. Ben non, ben oui, brillant, mais lorsque tu... Place 350 auditeurs dans n'importe quelle chaîne radiophonique. Ferme la lumière. Tout ce qui brille, c'est des membres de CKRL, des gens qui nous écoutent. Invitant Pepperman. Sans aucune crainte, ils sortent dehors. Moi, j'écoute CKRL. La demoiselle, moi, j'écoute CKRL. Le petit enfant, moi, j'écoute CKRL. Bon. Et toi, Gustave, j'écoute CKRL. Et le chien, ouf, ouf, CKRL, ouf. Et même le chien parle. Et ça, on est dans une ère extraordinaire. Ça, c'est juste les chiens qui écoutent ces CKRL qui peuvent arriver à parler. Vive l'animateur, ouf! Bienvenue! Bienvenue à Loustanwati! La douce rénalité et l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Et ça, c'est déjà fait depuis belle lurette, la lurette, la bonne année lurette. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 29 juin, je le sais, vous me l'avez dit, je vous l'ai dit, nous nous le sommes dit. Non, c'est pas samedi, c'est vendredi. Oui, mais nous nous le sommes dit. Nous nous le sommes dit. Toi et moi, là. Oui. Nous. Oui. Nous qui? Nous nous le sommes dit. Oh, OK. Même le vendredi, oui. Le dimanche également. Aujourd'hui, le vendredi 29 juin 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Pourquoi t'es paré à Paris? Comment? Pourquoi t'es paré à Paris? Je suis pas né à Paris. Non. Pourquoi t'es parti à Paris? Ben, parce que j'ai un territoire à conquérir. T'es un malade, oui. T'es un malade. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. C'est bien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur et interprète Éric Vincent, que j'irai que genre dans quelques jours, je vais aller bouffer sur sa péniche. On va avoir de la bouffe à volonté, de la musique à volonté, du plaisir à volonté, puis du vin à volonté. Et qui? Oui, du vin à volonté. Hey, on n'a rien. Du vin à volonté. Oh! Alors, il va se plonger. Oui, je vais me plonger dans la scène. Je ferai un fou de moi sur YouTube. On va dire, Eric, prends ma caméra, là, puis filme-moi. Là, je vais me noyer, puis là, il va délire avec ça. Là, il va délire en rien. Vit une péniche. Il vit pas une péniche, là. Une péniche amoureuse. Oh, j'ai une grosse péniche amoureuse. J'ai abandonné ma jument. Et là, j'ai dit, trois gros gâteaux s'en vont baignant. Ah ouais, ma petite jument. Puis là, elle est partie. Il dit, hey, petite, elle était grosse, mais je voulais pas lui dire la grosse. Ça, ça. Hey, petite. Ah ouais. Ma petite. Là, je la voyais partir au loin. Ah ouais. Ah, ma petite jument. Excusez-moi, c'est un moment d'émotion, là, ce soir. Vit sur une péniche, Éric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus ses tours du monde. Et... Hey, elle m'amène le torchon pour m'éponger. Merci. Elle me prend pour Pavarotti. Pavarotti? De Pavarotti, s'il vous plaît. Elle s'est produite dans plus de 140 pays. Né dans un petit village à la Mayenne, il aborde de la musique à l'âge de 7 ans. Il s'accompagne très vite avec une grande habileté pour chanter les succès de l'époque. Adolescent, il n'échappe pas à l'attraction du rock and roll et écrit ses premières chansons, mais après un court passage dans un groupe, il découvre Miles Davis. Peu de temps après, il est l'invité et participe à une émission de France Inter avec Claude Nougaro, dont l'écriture empreinte d'une extraordinaire modernité le touche particulièrement. Éric interprète Armstrong. Armstrong, tu n'as pas de barres, tu es noir de peau. Donc, les gars, Éric interprète Armstrong en direct. Nougaro l'encense de compliments et décide de monter à Paris, ce qu'il fait pour signer. Nougaro l'encense et le complimente et le décide à monter à Paris, ce qu'il fait pour signer son premier contrat avec Eddie Barclay. En 73, il est engagé à Port du Salut, cabaret mythique de la rive gauche, où il cohabite avec Coluche pendant un an. Nous l'avons rencontré à Paris et ce soir, ce sera un voyage chargé d'émotions car c'est la dernière de cette rencontre avec mon ami Éric Vincent. Alors, place aux mots, place au lyrisme rénaldien et place à l'envoûtement. Et en avant, la zizek! Paris, c'est la petite carte postale avec le monument de Napoléon. This is my fucking country, lady. On est tous presque du même pays. This is my fucking country. On est tous. This is my fucking country, lady. On est tous presque du même pays. This is my fucking country. On est tous. Mi amelebo. Mi amelebo, papa Daniel. Mi amelebo. Mi amelebo, papa Daniel. Suave.

Avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans les secrets des bois, deviennent des rivières. Pendant que le soleil, plus haut que les nuages, fait ses nuits et ses jours, pendant que ses pareils continuent des voyages chargés de leur amour, moi je t'aime, moi je t'aime. Pendant que les grands vents imagine des ailes au coin secret de l'air, pendant qu'un soleil blanc au sable des déserts dessine des marguelles. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pendant que les châteaux entourent nos Espagnes. Non, c'est... Pendant que les châteaux en tout se font et ne sont plus. Gaétan. Moi, je t'aime. Tiens-moi la main, Gaétan. Moi, je t'aime. Pendant que les châteaux en toutes nos Espagnes se font et ne sont plus. Pendant que les chevaux, cavaliers perdus, traversent des montagnes. Merci, Gaétan. Moi, lâche-moi la jambe, Gaétan. Je t'aime. Monte pas, voilà. Moi, Gaétan, descend. Je t'aime, Gaétan. Pendant que... Gaétan, fais pas ça, Gaétan. Pendant que peu de temps habite un peu d'espace en forme de deux cœurs, pendant que sous les temps les mémoires des fleurs dorment sous son toit de glace. Continue, Gaétan. Moi, j'aime ça. Moi, je t'aime. Filme-la, filme-la. Moi, je t'aime. L'absurde aventure de l'errance canadienne s'ouvre à l'instant. Il n'y a pas juste Jim Morrison dans la salle qui... Moi, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, notre itinérant langagier. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin... Arrête! Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil. Le recueil de Bukowski, c'est Contes et nouvelles. Bref, ce sont les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. J'avais un peu plus de 20 ans. Ah non, on chante encore. J'avais un peu plus de 20 ans pour les yeux d'une femme. 20 ans d'amour faisait battre mon cœur. J'avais un peu plus de 20 ans. Et bien que buvant comme un trou, pas au 18e, parce que moi, j'ai arrêté au 5e trou. Il y en avait encore plusieurs là, à conquérir. Là. Me suis dit à moi-même, si t'en as déjà, s'il y a déjà une complexité à en rentrer 5 et marine-toi tous les autres tonneaux, pas facile là, de combler un tonneau. Pas facile. À mon âge, il n'y a pas de problème, là, mais je me dis, à long terme, ça risque d'être plus. plus difficile. On dirait que je suis un, quand tu l'appelles, donc, un négociateur de moi-même. Mais, Claude Moirier. Claude Moirier sort de ce mort. Quoique, à force d'être mort, la pourriture prend-tu sur la mort? Il se décompose. Après combien de jours? Non, après la première seconde. Là, lorsque tu arrêtes de respirer, là, tu commences à le décomposer. Mais moi. J'ai cette chance incroyable de me décomposer de mon vivant. Je perds des membres. Je marche et je perds des membres. J'ai perdu des mots. Ça, c'est pas un membre. Est-ce que des mots, c'est des membres? C'est une respiration étrange parce que on m'a enlevé la babine. Mais en fait, une forme de babine, on m'a le remplacé par une peau inconnue. C'est inconnu? Oui, c'est inconnu. Et ça fait comme une vibration lorsque je tente de réfléchir. C'est le cerveau qui se contracte. Sentez-vous là? En troisième vitesse, il y a de la fumée, les cheveux se rétrécissent, le gras prend au bout de la racine, puis là, c'est terminé. Je mets le feu partout. Chose à ne pas faire à la maison. Si vous avez un insecteur, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai pas d'insecteur. Mais j'ai de la salive en, s'il vous plaît. Ah! Je postillonne tellement là, que les gens autour d'eux se placent des ciris sur leur corps. J'ai dit leur corps. Leur qui? Leur corps. Leur corps? Leur corps. Ben oui, leur corps, là. Ce qui les compose. Pas leur âme, là, pas besoin là-dessus. Là, tu peux cracher sur l'âme, là. L'âme, elle sera pas, puis elle sera pas mouillée, l'âme, là. C'est quelque chose qui est pas tangible, l'âme, là. Le corps, c'est tangible. Tu donnes un coup de poing, là, sur un corps, là, puis ça fait mal, là. Ça fait mal au corps, mais au désaccord également, parce que pour qu'il y ait un coup, faut qu'entre deux parties, un d'entre les deux ait une contradiction. Là. Si pas de contradiction, pas de coup. Quoique, oui, à exemple, on va pas. Non, madame, avant de vous exciter, là, on n'a pas terminé de lire la nouvelle de Bukowski, là, le titre, mais c'est pas important. Relaxez-vous là. Prenez place. Bon, vous avez un beau siège. Oui, on vous a dit que c'était un siège éjectable, mais j'ai le bouton ici, là, c'est moi qui décide. Oui, effectivement, il y a un toit, là, puis on n'est pas en plein air, fait que ça va faire mal à la tête. Mais il n'y a pas de problème, vous n'avez pas, madame. Je veux dire, vous avez un toit, là, mais le toit va s'ouvrir, puis vous n'aurez pas de problème. Non, j'ai pas voulu dire que vous aviez pas de tête, madame, là. S'il vous plaît, là, moi, je peux pas me payer un avocat, moi, là. Je suis déjà un peu... Je rencontre des psychologues, des psychiatres. Si tu dois rencontrer un avocat, j'ai un médecin multidisciplinaire, j'ai des criminalistes, j'ai des syndicalistes, j'ai des typopistes, j'ai des généministes, c'est sous rare, là. Alors, j'avais un peu plus de 20 ans, et bien que je buvais comme un trou sans rien manger, j'étais encore costaud. Et ça, on se demande pourquoi les épaules tiennent lorsque on oublie de manger. On se pose la question. Là, la porte s'est ouverte. Attendez un petit peu. On va revenir. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Un coup de vent. L'avez-vous remarqué, Mme Thibodeau? Ben moi, j'ai entendu qu'il y avait un silence. Ben bon, tout bravo. Vous êtes dans la grande panoplie de l'intelligence universelle. Ah, mon, vous êtes bien gentil. Ben là, je n'y suis pour rien. Votre oreille s'est comme arrêtée. Ben moi, j'étais à 0.10, là. Puis tranquillement, je suis descendu à 0.5, 0.2, 0.1. J'ai perdu. Vous m'avez perdu, mais je l'ai retrouvé. Bravo. Bon. Vous sentez heureuse, très, très, très, très heureuse. Bon, vous allez vivre longtemps, ben jusqu'à la fin de l'émission. Bon, merci. Alors, j'avais un peu plus de 20 ans. Le monde la savent, là, puis bon, buvait comme un trou, puis bon, il y avait une carrue, il était encore costaud. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est pourquoi il était encore costaud? Il avait mangé ses petites patates. Oh, si tu manges tes patates, hein? Qu'est-ce que disait ta maman dans quand t'étais petit? Mange tes patates! Mange tes patates! Mange tes patates!

pas de bêtises, hein, parce que je fais souvent la confusion entre Suharto et Sukarno. C'est Sukarno le premier, qui lui, je crois, ils ont instauré une langue qui s'est calquée sur le malaisien, le malaisien, qu'on parle en Malaisie. Donc, oui. Pour réunir, qui a ses racines dans ces langues anciennes. Mais ils ont réussi à unifier, sur un plan linguistique, toute l'Indonésie avec cet indonésien. Okay. Qui est une langue facile à mal parler, assez facile à mal parler, ou facile à apprendre pour pouvoir permettre une communication. Quand on pousse un petit peu plus loin, ce que j'ai fait, je ne dis pas que je parle bien, loin de là, mais on se rend compte de beaucoup de subtilité, et donc c'est une langue que j'aime bien. La maison de disque vient te rappeler. Écrire une chanson pour Hallyday. Je ne sais pas si ça va se faire. Après tout, je m'en fous, ça m'est égal. Allez, ça me suffit, ça me suffit. Allez, ça pensait, tu suis. Ce n'est pas pour l'argent. Quand j'étais à l'intérieur, la fameuse machine a transpiré, qui repose sur scène les yeux qui pleurent. Il était si grand, moi si petit, même pas mon idole. Écrire une chanson pour arriver. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la gloire. Écrire une chanson pour Johnny. Johnny. Tangerine, like the Mr. Dead Wolf, and it's good, and it's good business. It's presenting now Tangerine 444. Mr. Dead Wolf and his good business is now presenting Tangerine 444. Everybody dance on the golden floor. I scream first. Orange, les par le rousse. Elle disparaît après nos rendez-vous. Elle repart, elle revient, et je reste sans nouvelles. Est-ce un destin, est-ce une punition? Demandez Monsieur Citron au jardin des mandarines. Quand il cherchait tangerine dans les caisses de sanguine. Criez les pamplemousses sous le ciel aquamarine. Mais je vous emmerde tous, ah je vous emmerde tous. Orange, les mes pamplemousses. Attention, voici le château immense. Il nous faut trouver la faille. Sorte les grands-mères et nous se souviennent. Wolf and his good business is now presenting Tangerine 444. Hello, hello, everybody dance in the golden floor. Ice cream. Comme le mentionnait Jim Morrison. Merci. Oui, Alain, allez. Oh, comme le mentionnait Jim Morrison. Tu le connais, toi, Jim Morrison? Bon. Errance Renaldine, c'est la mission, madame. Aimez-vous les émissions? Hein? Ah, bon. Chaud là, ce soir. Oui, merci. Oh, il fait chaud. Hein? Il fait chaud. Okay. Comme le mentionnait, on l'a dit. Comment, madame Jim Morrison? Errance Renaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept. OK. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, excusez-moi. Ça va, monsieur? Vous écoutez l'émission depuis le début? Comment trouvez-vous les interventions? Ouais, est-ce que c'est la meilleure émission depuis le début, depuis 15 ans? Ça perdure depuis 25 ans? 48 ans. 48 ans. Hé, monsieur. Hey, on commençait cette émission-là au rouleau. Je vous ai expliqué, c'était pas des records, peut-être, c'était pas des 33 tours, c'était des rouleaux que l'on rentrait dans un cylindre et on faisait jouer, puis on entend. Écoutez, Errance Renaldine, chez KRL. Ouais, mais il n'y a pas un petit problème technique. Ben, le rouleau, oui, souvent, parce que le micro. Non, c'est parce que il n'existait pas à cette époque-là. Vous êtes en train de raconter des bobards. Monsieur, étiez-vous, est-ce que vous étiez en train de croire cet individu? Oh! A-t-il? c'est une question. A-t-il du poids dans notre société contemporaine? Oh! Mais là, vous dites ça avec une certaine légèreté, hein? C'est pas oui, c'est... Ouais, comme... En dehors de... Derrière le coude, derrière l'épaule, derrière votre dos. Ouais. Mais comment vous pouvez parler derrière votre dos? Avez-vous une bouche? Ouais. Bon, un autre allumé. Coupe-moi ça, ce monsieur-là. Cette semaine, on ne va pas parler d'un individu qui dit n'importe quoi, là. Hein? Depuis quand Errance Renaldienne, on dit n'importe quoi. C'est une stratégie, tout est calculé. On répète pendant 3 semaines pour faire une émission qui dure 2 heures. Puis nos acteurs sont là, des protagonistes des plus effervescents, des plus calculateurs, des plus préparés psychologiquement et intellectuellement à donner leur 100% pour le public qui nous écoute et quand même pour un public qui a la patience de ses cheveux. Comment? Ben oui, de ses cheveux. Ah, toi, t'es sur le cheveu. Ouais. Aviez-vous senti ça que c'est un fétichisme? Oui, hein? C'est un psychisme. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embûchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique. Madame, aimez-vous ça, vous, quand on dit embouchure? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? On enchaîne? On continue? Ah, OK. Non, mais je voulais... Il n'y a pas d'intervention, là. C'est qui fait des bruits de fond, là? C'est qui le siphon, là? Le tipon, le téton, le péton, le caton, le manon, le nanon, le téton, en lui. Ouais. Et levons à bras pour celui-ci pour en observer. Ah oui, le péton, c'est tout, tout, tout, tout, tout, ah oui, là. Ah oui, là, oui, ça, oui, là, oui, c'est une chanson russe. Oh, c'est bon, là, bon, là. Tu connais ça, le russe? Oui. Moi, je connais toutes les langues dans leur approximation. Au même, et le dialecte, ouais, dialecte québécois. Le bon, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique, les gens ont pas. Château symbolique de la francophonie, plaçons en garde à vue le mot, le verbe bouton. C'est pas la guerre des boutons, là. C'est des boutons. Ça peut être n'importe quel bouton. J'ai le bouton qui pique, j'ai le bouton d'Achille, j'ai le bouton d'Achille. Un bouton d'Achille? C'est pas le. Non, c'est le bouton d'Achille. Ah! Oh. J'ai le bouton pression. Puis de plus en plus, là, on dirait que je suis en dépression, puis il veut plus rentrer dans l'autre. Parce que c'est ça, un bouton pression, là. Il faut que ça communique. Il faut que ça se marie. Marie. Marie. Marie. Oui. Oui. Attention, nous pouvons rencontrer Marie. Marie. Oui. Oh. Nous avons évoqué une chanson, Ave Maria. C'est à vous qu'elle s'adresse. Oui. Qui vous a commandé cette chanson? Qui voulait vous laisser ce message? Oui. Pas tout français, cette femme-là. Là? Comment ça, elle dit oui? Elle n'a pas nommé de nom. Est-ce que c'est votre fils? Oui. Ah, OK. Bon, on voulait compléter par fils, puis l'autre a coupé, l'imbécile. C'est qui, ça? C'est qui? C'est Jean-Michel. C'est. Ah, c'est mon ami Raymond Lemieux. Ah, c'était merveilleux, Raymond. Continue. T'es un grand. T'es un grand n'importe quoi. Non, t'es un grand. Madame. Oui. Bon, elle est toujours là, elle. Ah, le bouton. Avez-vous le bouton collé, vous? Oui. Bon. Combien de personnes dans notre société avons-vous un. Premièrement, il faudrait demander, ça je ne l'ai pas dit souvent premièrement, hein, depuis quelque temps. Avons-nous demandé à nos universités? Ben, on peut pas, ils sont pas dans les classes. Bon, ils sont où? Ils sont déclassés. À quel endroit? Ben, ils sont partout. Sur les trottoirs. J'ai pas demandé des péripatéticiennes, moi, là. J'ai demandé des étudiants, mais ils sont dans la rue. Hey, est-ce que tu te fous de ma gueule? J'ai pas demandé aux gens de la rue, j'ai pas demandé aux péripatéticiennes, je demande à des intellectuels, des gens qui sont concentrés sur le savoir, qui veulent creuser les choses universelles et même spécifiques pour nous enrichir, nous, peuple! Pas juste peuple québécois, peuple en général. Si tu me dis que c'est dans la rue, voyons donc. Ouais, tout est dans la rue, tout est dans la rue. Bon. Toi, veux-tu faire l'émission dans la rue? Veux-tu te retrouver dans la rue? Veux-tu t'être avec? Hein? Bon, lâche-moi la rue, toi, là, puis amène-moi un intellectuel. Il est dans la rue. Bon. C'est pas le bouton, c'est pas le moment. Oh mon dieu. Puis là, si on leur demande de chercher le bouton magique là-dedans, là, pour les rallier, tu sais, on disait que Reagan avait le bouton. On avait peur de la bombe nucléaire. Oh, le bouton, on hallucinait sur le bouton. Oh, le bouton, lâche-moi. C'est parce que il s'est étiré le bras, c'est dans sa chambre. Hein. S'il s'étire le bras, à côté de sa femme, là, il y a Nancy Reagan, pour s'allonger. Oh, il presse sur le bouton par mégarde. Guerre nucléaire, c'est fini. Heureusement que la baraque. Barack Obama. Heureusement que lui a mis le bouton ailleurs. Où il l'a mis? En dessous du lit. Ah, oh, ouais, mais si son. Je sais que Mme Obama est fidèle. Fidèle. Mais ça m'a menti. On peut avoir des faiblesses, là, nous, les humains. Si à un moment donné, son amant se retrouve en dessous du lit. Et sans le vouloir, son pied touche. À qui? Touche au bouton. Oh, mais oui, arrêtez, là, je vais avoir des difficultés à dormir. Alors, avez-vous de la difficulté à écouter de la musique? Non. OK, on y va. هللو زكا زكا يمحى النور ونغلى

l'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Le moment, oui, on voulait le dire. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Voyons donc. Oui, mais il y avait un élan, puis il y avait un moment. Ben oui, mais le moment vient avant l'élan. OK. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Bravo, bravo. Avez-vous un applaudissement? Bravo. Bon, le public est là. On l'aime comme ça, hein? Quand on se trompe, il fait chou. Regardez, êtes-vous content, vous? Bravo! Bon, OK. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. C'est bon, ça, hein? Bravo! Bon, OK. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Un très court fil Ariane, là. Si tu la manques, là, si tu manques la tige ou le fil, tu risques de tomber. Et en bas, c'est pas juste la brousse, là. Il n'y a pas de Willis là-dedans, là. Il y a des tigres. Il y a des lionneurs. Il y a des cannibaleurs. Il y a des tueurs. Il y a des gens qui veulent ta peau. C'est pas des enfants d'école, ça, là. C'est pas des... C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. C'est des tueurs, des gens qui... Faut pas que t'as manqué ta fille, Ariane, ton fille Ariane. Là, tu fais une petite prière. Elle est facile. Je le sais qu'elle est facile, mais je veux la faire. Elle est facile, je veux la faire. Je suis un garçon facile. Tu dis, oh, tu fais une prière à Ariane parce que c'est le fil Ariane. Ariane, j'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie. Premièrement, c'est d'animer une émission de radio. Deuxièmement, c'est de produire une émission de radio. Troisièmement, c'est de mixer une émission de radio. les pleurs, le fil Ariane est là. Oh, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Là, tu dis, hey, voyons donc, là, attention, là, bon. Même s'il est court, ce fil-là, là, je vais m'y attarder, je vais m'empoigner tel le tartan le singe, oh mon dos. Tu te sens babouin, je me sens très babouin. Madame Brabouin, aimez-vous ça? Bravo! Non, Madame Brabouin adore ça. OK, alors le fil Ariane, excusez-moi, là. OK. Rassemblons-nous l'esprit. Ainsi soit-il. Il sera là. Maintenant, à cet instant précis. Trop c'est beau! C'est ça le fil Ariane. Trop c'est beau! Hey, là, faut que je me lance. Là. Regarde-moi l'arbre, la tige qu'on avait d'une branche. On appelle ça une branche. C'est une tige. À flétrie. Pour ne pas dire caillé. Ben, c'est pas caillé, là. C'est séché. Caillé, séché. Non, le lait est caillé, mais la branche est séchée. C'est vrai que j'ai jamais vu du lait séché. Oui, j'ai vu du lait en poudre. OK, on y va, OK. Trop, c'est beau. Mais beau, c'est jamais trop. Il n'y a jamais trop de beau, hein? Là, je m'élimine, là, comme je le disais tout à l'heure à mon émission. Là, ma tête de joue, voici les yeux, voici les mecs. Les gens veulent de la beauté, là, c'est rassurant. La laideur, c'était épeurant. Ah, Frankenstein, ah, Dracula, ah. Un pitbull, ah, c'est gros, c'est ça, hein? Lui, là, s'il y a juste une petite neurone, c'est mort. Il voit n'importe quoi, il mord. L'humain est mort à belles dents, puis à bonnes dents, à bon escient. Mais le chien, ce chien, le pitbull, ce chien, là. Je trouve rien d'intéressant d'avoir ça dans une maison. Moi, j'ai un pitbull, un petit caniche. Je trouve encore là un petit caniche. Ça jappe, c'est frisé. Moi, ça m'a fait un chandail en caniche. Hey, moi, je vais. Attends, madame, mettez pas ça à l'eau chaude, c'est du caniche. Hein? C'est ma tendre épouse. Elle s'est achetée 12 caniches pour me faire un beau pull over the windows, là. Oh, pull to the windows. Ouais, ça, c'est un beau pull. Oh, man. Et ça gratouille. C'est pour ça qu'elle l'a mis à l'intérieur du plastique, du cellophane. Cellophane plastics. Là, ça amène la sueur. Tu sues là-dedans. Puis déjà là, hein, de la laine de caniche, vous savez qu'est-ce que ça fait? Non, j'en ai jamais eu. Mais vous, madame... Bravo! Bon, elle aime ça parce que... Hey, de la laine de caniche, bravo! Là, c'est son univers qui est ensoleillé. Aimez-vous ça, la laine de caniche, madame? Bravo! Bon... Vive heureux et imbécile. Oh! Comme tel que j'allais dire. Non, c'est pas comme. Non, je l'ai retiré. Hein. Avez-vous vu ma bouche? Elle s'est censurée. J'ai une fermeture censure, moi. Je sais qu'il existe des fermetures éclairs. Il y a du Velprose. Oui, Velprose. Pour les poètes. Ah! Ah, que de mots de chimère sur la mer de la narration. Que de vagues, que de tumultes qui s'accumulent à l'unisson. Sont-ils là? Là, ici, maintenant? Non, non, non, non, non, non, non. Si, vous êtes un grand poète. Hey, moi, là, je me suis même fait étirer pour être plus grand poète. Là. Je mesurais 5 pieds et 9. Puis là, avec l'étirement qu'on m'a donné, là, j'ai eu des cours. J'ai un médecin qui s'occupe de moi, pas un autre. Oui, un étireur galeur, lui. Lui, il est au galon. C'est pour ça qu'on dit un galeur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ben pas du tout. C'est nouveau pour nous. Ben oui. C'est pas connu, sinon il risque d'être embauché partout, puis je l'aurai pas pour moi. Alors lui, là, sa mission, c'est de t'évaluer comment on peut t'étirer, combien de temps, plus de rapidité, efficacité, hein, pour pas que tu ractisses après, parce que quand tu vieillis, tu ractisses, mais avec lui, tu grandisses. Plus tu ractisses, moins tu grandisses, plus tu ractisses. Ben, sans ses soins, là, t'es petit. À la fin, tu finis, là, que sur un grain de tabac, tu peux te cogner et comme ça tomber et mourir, là, in vitam paparman. C'est une chose à ne pas faire et surtout, on ne le souhaite à personne, surtout pas à Madame Boudron! Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial. Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe. He said, peek-a-boo. With a lead-filled with a lead-filled snowshoe. He said peek-a-boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe and he hit him on the nose and he hit him on the fin and he. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it! And then in a fit of anger, and I pounced again. I jumped up and down the chest of her. I injured the fur trapper. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, I can't see. I can't see. Oh, woe with me. I can't see.

belles gosses avec le soleil plein les yeux qui jonglent et dansent rien que pour un peso ou deux. Et la tequila ou la flot au son de charango. Oh, oh Mexico, je n'aurai jamais le temps, la nuit tombe trop tôt. Embuscade, embuscade, c'est fatal, je m'écroule KO. Oh, oh Mexico, j'aurai jamais le temps de dompter tes chevaux. Oh, oh Mexico, je reviendrai bientôt. Oh, oh Mexico. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.